Et on est avec le labo Désorceler la finance et Charlotte. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour à vous. Donc on se présente, hein, c'est ça? Ok, bah, celle qui parle actuellement, donc c'est Emmanuel Nizou. Je fais donc partie du laboratoire Désorceler la finance et c'est de ça dont on vient vous parler aujourd'hui. Je suis avec Fabrice Sabatier. Voilà. Alors on est là effectivement pour présenter les travaux du laboratoire sauvage de recherche expérimentale Désorceler la finance qu'on a créé il y a maintenant 2 ans, 2 ans et demi, et qui est composé, alors outre Emmanuel Nizou qui vient de prendre la parole et moi-même, de Luce Goutel qui est artiste plasticienne, Aline Farès qui est activiste, militante dans le secteur de la finance, et Camille Lamy qui est designer. Et on a donc créé ce laboratoire qui mène une recherche dans le secteur de l'art et qui essaye de s'intéresser aux relations entre finance et sorcellerie. Donc on est vraiment dans ce territoire de rencontre entre activisme, art et sorcellerie. Et le lien qu'on a fait dès le départ, c'est de se demander en fait qu'est-ce qui nous empêchait aujourd'hui de penser des alternatives à la manière dont se met en place les politiques économiques et financières. Et comment, pourquoi, quelles forces sont en jeu qui nous empêchent de prendre en main ce domaine qui nous paralyse. Il y a la chercheuse Isabelle Stengers et puis Philippe Pignard qui ont écrit il y a quelques années un essai qui s'appelle La sorcellerie capitaliste et qui mettent des mots justement sur des mots sorciers, sur ce qui nous empêche de penser des alternatives au système capitaliste, au système financier et ce qui nous empêche aussi d'agir sur lui. Et donc c'est ça qui nous a, à un moment donné, fait penser qu'il y avait quelque chose vraiment qui se rencontrait entre la sorcellerie et les questions de finances. Et on avait envie de voir si dans les pratiques sorcières, dans le langage sorcier, il n'y avait pas quelque chose qui nous permettrait justement de retrouver de la force, de nous réengager dans des manières de penser des alternatives à ce système. Je me permets d'interrompre. Quand tu parles de sorcellerie ou de langage sorcier, tu mets quoi derrière? Parce que c'est quand même très vaste. La magie noire, les sorcières d'antan, les sorcières païennes. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Enfin, qu'est-ce que vous avez utilisé comme fil conducteur? Alors, il y a pas mal de choses qui nous ont intéressés. On a commencé ce projet en étant tout à fait novice sur les questions de sorcellerie. En fait, ce qui nous intéressait, c'était plutôt le potentiel imaginaire qu'il y avait là derrière. Alors, et puis, petit à petit, on s'est formé, on a lu pas mal de choses. Les pratiques des sorcières païennes, des féministes américaines comme Starhawk par exemple nous ont beaucoup intéressés parce qu'elles posaient justement quelque chose qui était de la sorcellerie mais dans un objectif activiste tourné vers des questions vraiment politiques. Et donc ça nous intéressait beaucoup. Et en même temps le mot désorceler qui est à la racine de enfin, qui est le nom Désorceler la finance de notre laboratoire, il provient des travaux d'une chercheuse française qui s'appelle Jeanne Favre-Saada, qui a écrit un essai qui s'appelle Désorceler, justement, et qui pose ce verbe comme étant la manière de se libérer d'un sort et en même temps de le renvoyer à son émetteur. C'est-à-dire retourner le sort contre celui qui nous l'a transmis. Et donc, c'est un peu ça qui nous a intéressés dans notre méthode artistique, c'est-à-dire à la fois pas seulement critiquer, pas seulement dénoncer ce qui nous arrive, mais aussi agir, être vraiment dans une pratique active de renvoyer, de travailler, de produire, de faire, et pas uniquement de dénoncer. Et quand tu dis nous, c'est qui ? C'est le monde ? C'est nous, les Belges, nous, les Bruxellois, nous... Nous, les citoyens, les citoyennes. D'accord, au sens très large. Au sens large. Ok. Mm-hmm. Et donc, concrètement, ça se passe comment ? Du coup, ce que je propose, c'est qu'on rentre petit à petit dans nos formats artistiques. Et Vincent, si tu le veux bien, on va passer le premier son. Et donc, c'est celui qui est issu de notre rituel de désenvoûtement de la finance. Et c'est le désencrouillement des portefeuilles. Le rituel va commencer. La cérémonie commence. Un espèce de silence religieux s'est installé. Il y a le parfum des braseros, le bruit des voix qui susurrent, qui attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. Et tout un tas de personnes comme en procession avec des grands panneaux. Désenvoûtement des portefeuilles. Rituel de désenvoûtement des porte-monnaies. Et là, c'est très étrange. Il y a tout un groupe de 2, 4, 6, 8, 8 personnes et un petit enfant qui sont là, qui se tiennent par la main dans une ronde. Et à leurs pieds, au milieu, au centre du cercle, un exemplaire du Financial Times. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on a entendu, c'était la voix aussi de Gilles Anquetil, qui est donc un journaliste qui travaille pour France Inter et qui anime l'émission Comme un bruit, et qui était venu, en fait, lors de notre rituel de désenvoûtement de la finance. Lors de la nuit blanche, en fait, début octobre 2017. Ce rituel de désenvoûtement de la finance a été un peu l'acte fondateur de notre laboratoire. Et aussi un vrai moment de rencontre avec tous ceux qui nous entourent, toutes celles et ceux qui nous entourent, parce que Fabrice l'a cité au début de la rencontre ici, que nous sommes donc 5 membres fondateurs, mais évidemment on serait rien et on ne pourrait pas se redonner de la puissance si jamais il n'y avait pas tous ces collaborateurs et collaboratrices qui nous entourent et sur lesquels on dira un mot tout à l'heure. Mais du coup, par rapport à cet extrait, là, c'est ce qu'on entendait, c'était la description de ce qui est l'introduction en fait de ce rituel, qui se trouve en fait à l'intersection à la fois d'une mobilisation citoyenne et politique, d'un véritable rituel et aussi d'une performance artistique. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'était de s'impliquer lors de cet événement qu'est la Nuit Blanche, qui est à la fois un événement organisé par la ville de Bruxelles et qui en même temps est aussi se veut être une manifestation culturelle et artistique, qui occupe l'espace public. Donc pour nous, ça nous semblait être le moment parfait pour en tout cas poser cet acte. Le rituel s'est effectué dans la fontaine du bassin du parc royal de Bruxelles, et donc il se trouvait un lieu aussi symbolique pour nous, puisqu'il faisait face au Parlement. Si on suit, en fait, on était dans l'œil du compas franc-maçon du parc, et donc on avait aussi en ligne de fuite le palais de justice et la banque ING, et donc on se trouvait jamais aussi très loin du quartier européen. Donc pour nous aussi, le fait de, donc on est basé à Bruxelles, il y a Camille en tout cas parmi nous qui elle est basée à Saint-Étienne, mais en tout cas voilà, notre ancrage est vraiment local, et ça nous semble important parce que évidemment c'est aussi le centre névralgique de la construction européenne. Donc on avait aussi envie, c'est là où se trouvent les lobbies, donc de montrer aussi par cet acte symbolique les jeux de pouvoir qui peuvent être à l'œuvre. Voilà, du coup, ce qu'on peut peut-être faire maintenant, c'est passer au deuxième son. Et donc là, on va entendre notre experte finance, donc Aline Farès, qui, lors du rituel, en fait, prononce notre manifeste. La finance est partout. Elle donne un prix aux céréales qui assurent la base de notre alimentation. Aux matières premières, bois, métaux, minerais, qui constituent les objets dont nous faisons usage chaque jour. Elle façonne le choix des énergies que nous utilisons. Elle détermine notre façon d'envisager et d'accéder à ce besoin fondamental qu'est l'habitat. Finance is everywhere. La finance est partout et l'argent déborde. Les milliards et milliers de milliards et millions de milliards. Les banques, les sociétés d'assurance, des fonds de pension, des hedge funds, des fortunes démesurées et des dettes abyssales nous sifflent aux oreilles à l'écoute des nouvelles, à la lecture des journaux. Ils nous impressionnent, mais souvent nous ne les entendons plus, occupés que nous sommes à nous débattre avec quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers peut-être. Peut-être ces milliards nous empêchent-ils aussi par leur présence, leur pouvoir, leurs injonctions et leur insistance étouffante de penser et d'agir autrement. Finance is everywhere. And money overflows. Dépasser cet état d'empêchement, de contention, d'étouffement, requiert de briser quelque chose qui est de l'ordre de l'envoûtement, de l'impuissance sidérée. C'est l'objectif du rituel de désenvoûtement de la finance. Le temps est venu de rendre visibles les spectres des réseaux d'influence. Le temps est venu de décortiquer les rouages de l'économie et de la finance. Le temps est venu de mettre nos mains dans le cambouis. The time has come to get our hands dirty. Et comment ça se passait dans le réel, alors, cette cérémonie de désenvoûtement au niveau du public, des réactions est-ce qu'il y a eu des actes, à part ce manifeste, qui ont été posés? Vous avez brûlé des choses C'est vrai qu'en fait, l'enjeu aussi, lors d'un rituel, c'est de désenvoûter un marché. Donc là, lors de la nuit blanche, on avait même décidé d'en désenvoûter 7, parmi lesquels le marché de l'immobilier, le marché de la dette, le marché des céréales. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, qu'on est invité par un lieu, ou en tout cas qu'on s'empare d'un contexte, on essaye de réagir en fonction de ce contexte. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'occasion aussi, lors des invitations suivantes, par exemple, la Gand désenvoûtait aussi le marché de l'immobilier. À Montréal, ils se sont plutôt attaqués aux paradis fiscaux, etc., etc. Donc en fait, il y a, on va dire, une structure qui existe et dont les participantes et les participants en fait au rituel peuvent s'emparer. En fait, l'idée aussi, c'est que, bah oui, créer un rituel, c'est aussi pour que les autres s'en emparent, mais qu'il y ait une structure qui soit récurrente et donc pour que ça soit ancré. Et donc, par contre, à chaque fois, au niveau du cœur, la performance change à chaque fois selon le marché à désenvoûter. Ok. Et donc, il y a le manifeste, mais est-ce qu'il y a des pour qu'on puisse s'imaginer, se projeter dans ce genre de rituel, il y a des gens qui se mettent tout nus, alors, qui courent au cours d'un feu, enfin bref. Alors c'est complètement permis, mais en effet, visuellement, c'est vrai que... Donc en fait, ce qui était important pour nous, c'est donc de nouveau, pour retourner à nos enjeux, je vais répondre à ta question, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut rendre poreux cette iconographie, ce langage en fait de la finance, ce monde qui est totalement abstrait. Donc la magie, c'est aussi un moyen pour nous, en tout cas la magie, la sorcellerie, de faire appel à, comment dire, de renvoyer plutôt à une expérience sensible et de venir perturber, pervertir cette imagerie lisse de la finance. Et donc en effet, ça veut dire qu'au niveau du visuel, de ce qu'était à voir, on avait, là on peut peut-être aussi citer le travail de Julien Celdran, qui est notre scénographe, et qui est artiste aussi, et qui du coup a vraiment travaillé au côté de Luce et de toute l'équipe et de Camille, à venir contaminer cette imagerie-là, et donc à faire en sorte qu'on ait des objets, des gris-gris, des amulettes qui soient qui portent le langage en fait des deux éléments. Et donc après, en fait, il y avait également des sceptres dont le public pouvait s'emparer, mais l'idée aussi, c'est que la performance soit vue comme un objet actif, en fait. doit être magique, ça veut dire il est performatif au sens au moment où on réalise quelque chose, enfin on réalise quelque chose d'incantatoire, où la formule fait aussi, où la formule doit pouvoir faire la chose. Mais du coup, c'est vrai que si vous voulez, en tout cas là je m'adresse aussi aux auditeurs, aux auditrices, c'est que si jamais vous souhaitez découvrir les objets de ce rituel, on a en fait pour cela constitué un cabinet de curiosité économique qui se constitue en fait de tous les objets de nos différents formats artistiques. Donc c'est vrai qu'on a ici beaucoup parlé du rituel, mais il y a également d'autres formats, mais je vais peut-être laisser Fabrice du coup présenter notre cabinet. Et donc c'est aussi une des raisons de notre présence ici à Radio Panique, c'est de pouvoir présenter à la fois l'exposition qu'on va faire et la série d'événements qui seront associés. Donc cette exposition et ces événements auront lieu à l'ERG, à l'école de recherche graphique, qui est située au 87 rue du Page à Bruxelles. Et donc on a dans la galerie de cette école, on aura le cabinet de curiosité économique. Ce cabinet, en fait, il va recenser tous les objets qui ont été créés, produits pour mener à bien ces rituels de désenvoûtement de la finance. On a des sceptres, on a des gris-gris, on a effectivement tout ce que disait Emmanuel, tous des objets qui ont été détournés, pervertis, transformés en objets magiques et sorciers. Et l'envie de créer un cabinet de curiosité, elle est apparue à la suite des rituels. On avait créé ces objets, ces sceptres notamment, et ils étaient revenus finalement chargés enrichis d'une charge magique, de quelque chose qui dépassait leur seule forme physique. Et ces objets, on voulait pas les laisser dans des cartons quand il n'y avait pas de rituel. Ils avaient malgré tout quelque chose qui était là aussi performatif. C'est-à-dire ces seuls objets pouvaient avoir un effet. Et donc on s'est dit, il faut pouvoir faire quelque chose, pouvoir faire rendre accessible, visible ces objets. Et donc, on a créé ce cabinet de curiosité qui le recense. Les objets ne sont pas ici figés comme dans un musée. Ils ne sont pas muséifiés. Ils restent actifs. Ils restent à tout moment potentiellement sortables de ce cabinet pour pouvoir être à nouveau engagés dans un rituel. Et on trouve également dans le cabinet des éléments de scénographie qui ont été utiles au rituel. Je pense notamment à la tour en carton, une tour de finance créée par l'artiste Johan Dumas. On a aussi collectionné, grâce au réseau Rethinking Economics, qui est un réseau d'économistes et d'étudiants ou chercheurs en économie qui produisent une science économique plus hétérodoxes et qui ont recensé une série de thèses en économie, de thèses hétérodoxes, donc qui vont aussi apparaître d'une manière ou d'une autre dans le laboratoire. Donc on a toute forme d'objets qui sont à la fois créés par nous et par d'autres. Et par nos collaborateurs aussi. Et donc vous pourrez découvrir une œuvre de Vincent Matine, qui est celui qui guide la journée. C'est une pièce radiophonique qui a été produite par Radio Panique, qui a déjà été diffusée, qui s'appelle Télébanque Hypnose. Je pensais à autre chose, Vincent. Dans le cabinet de curiosité, il y a des pièces que tu veux présenter, des pièces plastiques. Ah oui, tu parlais de ça, excuse-moi. Oui, il y a deux, trois petits objets. Mais peut-être on n'en dit pas plus parce qu'il faut venir les découvrir rue du Page 87. Si on doit décrire des tableaux à l'antenne, mais c'est un exercice. Peut-être pas maintenant. Donc voilà en gros pour ce qui va être visible dans cette exposition à l'ERG. Peut-être qu'on peut dire deux mots de ce qui va se passer le soir du vernissage. Donc, je ne sais même pas si j'ai donné les dates de l'exposition. Donc, l'exposition, c'est du 14 au 28 février. Et le vernissage sera le 13 février à partir de 18h. Oui, c'est ça. Pardon, j'ai cru qu'il y avait un bruit autre. Mais donc oui, c'est ça, on aura donc le vernissage le 13 février. On aura l'immense honneur d'accueillir aussi un concert de Gamel, donc aura lieu à partir de 20h30. Et donc Gamel, en fait, c'est le groupe, le collectif qui a réalisé la musique, enfin comme la bande-son en réalité, mais la bande-son live du rituel. Donc c'est parmi eux, en fait, l'artiste de son Maxime Lacombe, qui fait partie d'un ensemble de gamélans balinais et qui avait envie, en fait, de créer aussi un orchestre métallophone à Bruxelles. Mais il s'est emparé aussi, lors de ses nombreuses visites au jeu de balle, de la casserole pour le détourner et aussi exploiter son potentiel contestataire. Et donc il a invité une série de artistes et autres participants, donc parmi lesquels donc Vincent Matine, Amandine Faugère, Jonathan Frigéry, Arthur Lacombe et Suzy Subtil aussi, que vous connaissez ici, je crois, et donc à Radio Panique. Et donc ils ont créé, en fait, cet ensemble métallophone. Et depuis le rituel, Gamel a pris énormément d'autonomie. Il répète tous les mercredis soirs et ils produisent aussi des concerts. Et je crois qu'on aura même la chance en 2019, peut-être, d'avoir un premier album, qui sait. Donc ça vaut la peine de venir pour le vernissage aussi, pour découvrir leur travail. Et donc ensuite, si on parcourt le programme, le deuxième événement, c'est justement un soir de pleine lune. Oui, c'est ça. On sera le mardi 19 février. Et donc, en fait, l'enjeu de nos soirées de pleine lune, c'est... on se rend bien compte qu'à travers nos recherches, évidemment, on n'est pas les seuls à se poser ces questions, ces problématiques. Et donc, on a envie de les partager avec d'autres personnalités, que ça soit artistique ou activiste. Et donc, lors des soirées de pleine lune, on se propose, plutôt que d'entamer une collaboration de notre côté de manière cachée, de la réaliser publiquement, parce que sans doute les problématiques de ceux qu'on invite, donc par exemple comme RYBN, on avait reçu aussi Julien Celdran, Dina Bird, une artiste de son. Donc du coup, on se disait que c'était intéressant de les partager avec d'autres, de convient un public à ces soirées là et donc là, pour l'occasion, on avait envie de s'intéresser plus aux mécanismes de la dette. Et donc on a invité deux personnes, en fait, qui sont Belgo et Eva Betavadzi et Belko Grec, je crois, et Anna Muchin, qui est une artiste de son. Elle est plutôt franco-grec, et donc elles vont rapprocher. Donc Eva Betavadzi fait partie du CADTM, et donc qui est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Et Anna Muchin, en fait, son nom de scène, c'est Scarlett O'Hanna, et donc va travailler, en fait, ces questions-là et aussi s'intéresser au contexte grec, mais à travers, en tout cas, elle va nous présenter plutôt sa recherche artistique autour de ces questions. Et alors, je vais enchaîner dans la suite du programme, le mercredi 20 février. Alors là, ce sera pendant le temps de midi, c'est pas une soirée, c'est de midi 15 à 14h. Aline Fares, qui est notre experte en finance, viendra présenter sa conférence de table qui s'appelle « Le poker des banques ». Donc c'est sur inscription, donc vous pouvez envoyer un mail au laboratoire pour vous inscrire. C'est une présentation qu'Aline fait pour expliquer rapidement le fonctionnement du système bancaire à partir d'un jeu et de poker, enfin de jetons de poker. Donc c'est à la fois ludique et puis pédagogique. Donc ça, c'est le mercredi 20 février. Et le 21, le lendemain, à partir de 18h30, Aline Fares, toujours, nous présente sa conférence gesticulée qui s'appelle « Chronique d'une ex-banquière », où elle revient ici sur son expérience de bancaire, parce qu'Aline était avant bancaire chez Dexia. Dexia, c'est la banque, une des banques qui a fait faillite durant la dernière crise financière à partir de 2008-2009. Donc Dexia, qui était installée à Bruxelles, au World Trade Center, d'ailleurs, qui est la tour qui, dans laquelle le laboratoire avait ses bureaux jusqu'à décembre. Et donc, Aline a travaillé vraiment au sein de cette banque. Donc, elle nous raconte son expérience, son vécu, comment elle a quitté la banque pour s'engager dans l'ONG Finance Watch, qui est une ONG qui a été créée justement à la suite de la dernière crise financière pour être un contre-lobby, un lobby qui va défendre l'intérêt général et l'intérêt des citoyens sur les questions financières dans les institutions européennes. Et puis, Aline a depuis quitté Finance Watch et puis développe des activités de militante, d'activiste sur ces questions de finance. Donc, elle va nous raconter tout son parcours sous la forme d'une conférence gesticulée. La conférence gesticulée, c'est justement une forme qui se situe entre la conférence traditionnelle didactique et le théâtre ou la performance. Donc, on est sur une forme comme ça aussi intermédiaire. Ensuite, la prochaine activité qu'on va développer, ce sera le 25 février, le lundi 25 février, et ça s'appelle Interférence, 3 excursions au seuil de l'invisible. Mais en réalité, voilà, ce qui nous intéressait, c'était de présenter aussi les travaux de ceux qui nous entourent dans le laboratoire. Donc, en l'occurrence, là, c'est Julien Seldran, Jonathan Frigeri et Vincent Matine et June Peduzzi. Et donc, ces trois moments-là, ce sont des formats plutôt courts, de 30 à 40 minutes. Et les deux premiers, en fait, donc le travail de Julien Seldran et celui de Jonathan Frigeri, ce sera plutôt des conférences performances. Donc, en ce qui concerne, Julien Seldran, c'est donc le scénographe du rituel dont on parlait tout à l'heure et qui a aussi une approche qui est proche de l'anthropologie. Et donc là, en fait, à travers une approche presque scientifique sur le sujet, je pense qu'il a joué aussi avec les différentes postures possibles de l'ethnographe ou de l'anthropologue, à savoir est-ce qu'on doit rester en recul à distance de son sujet, être observateur ou bien être complètement participant ou être en observation participante. En tout cas, il y a plusieurs postures. Lui, il postule le fait qu'il y ait plusieurs mois, qu'il y ait un mois individuel, un mois social et le mois du chercheur. Et donc, il va jouer en fait avec tous ces mois. Et donc, il a créé cette discipline qu'il appelle l'auto-anthropologie. Et donc, sur base en fait de cette approche scientifique du sujet, en fait, il nous conduit à une véritable fable et on part en excursion avec lui dans les méandres de l'art pariétal. Donc, c'est très belle performance. Et puis, c'est suivi de celle de Jonathan Frigeri, qui est un artiste de radio. Et on va dire que le point de départ est assez semblable. On a l'impression qu'on mène une enquête, en fait, sur le médium de la radio. Il nous présente des objets qu'il a réalisés lui-même. On va essayer de comprendre comment fonctionnent les interférences. Et petit à petit, après avoir écouté Gaston Bachelard, on part, en fait, là, plus dans un conte fantastique et il nous emmène faire une sorte de promenade et d'excursion au seuil. C'est une expérience vraiment liminaire où on commence à communiquer avec peut-être d'autres choses, d'autres mondes. Et enfin, la troisième pièce, et pas des moindres, donc celle qui s'appelle Télébanque Hypnose. Du coup, je vais laisser la chance à Vincent de la présenter. Ah oui, c'est tout simple, mais c'est une production aussi Radio Panique. À la base, donc c'est sur un texte d'Antoine Bout, et avec la voix d'Antoine Bout. C'est un conte philosophico-burlesque sur notre rapport aux médias, à la politique et à l'argent. Donc il y aura cette diffusion et qui sera accompagnée d'un travail d'image. De June Peduzzi. Je lui ai proposé de faire quelque chose qui vraiment qui accompagne cette écoute et au fil de son travail, elle a développé un objet vraiment qui dialogue avec la fiction radio. Et voilà, qui est une exploration de, voilà, de notre rapport aux médias, en gros. Et de, donc, pourquoi ça s'appelle hypnose ? Ben, parce qu'effectivement, il y a toute cette dimension hypnotique des technologies. Je crois que, de toute façon, là, on n'a pas le temps, mais on n'a pas besoin trop de développer. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. On se proposait juste de présenter l'activité Back to Books. Donc, ce sera aussi de 12h30 à 14h. Les jeudis, tous les jeudis en fait du temps de l'exposition, donc le jeudi 14 février, 21 février et 28 février. Et Back to Book, c'est comme la pleine lune, comme les rendez-vous de la pleine lune, c'est un cycle qu'on développe depuis quelques mois, comme son nom l'indique, c'est un retour au livre qu'on a tous autour de nous, à la fois les chercheurs du laboratoire, mais aussi les personnes qui nous entourent ou toute personne intéressée, les bouquins qui s'empilent, qu'on n'a pas le temps de lire et qui peuvent avoir peut-être un certain lien avec les thématiques de la finance ou de la sorcellerie et qu'on va apporter pendant ces séances de Back to Books pour essayer de faire peut-être des rapprochements inattendus. Chacun va venir avec son livre et en lire quelques pages. Et puis, voilà, on va en débattre ou pas. Mais en tout cas, ça va peut-être faire apparaître des rapprochements qu'on n'avait pas anticipés. Et pour ces séances à l'ergue, l'idée, c'est... habituellement, on ne donne pas de thématiques particulières. Cette fois-ci, on aurait aimé travailler autour de la question de la performativité. Parce que c'est quelque chose qui traverse un peu... toutes nos productions, la performativité des images, comment est-ce que les images ont un effet direct sur le réel. Et puis aussi la performativité des mots, du langage, qu'on retrouve aussi dans la sorcellerie. La formule magique, c'est une formule performative. La prononcer transforme, le fait même de la prononcer transforme le réel. Et qu'on retrouve dans les slogans publicitaires. Tout à fait. Qui ont ce même effet. C'est ça l'intention. Enfin, c'est l'effet est performatif par excellence aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, on va interroger la performativité, que ce soit dans les images, dans les récits, dans les mots et dans les données. Allez, on écoute Alain Deneau. Et les données ne servent plus à penser. On prend par exemple sur le plan des données en matière de commerce international. À quel point les législations de complaisance, les paradis fiscaux, les ports francs, les zones franches rendent absurdes les données. Vous apprenez que le Jersey est le principal pays exportateur de bananes. Vous apprenez que les îles Vierges britanniques sont un partenaire de premier plan de la Chine sur un plan commercial. Que le pays à partir duquel les investisseurs de la zone euro investissent le plus dans le monde, c'est le Luxembourg. Que le deuxième pays où les sociétés canadiennes placent le plus d'actifs sur un mode direct à l'étranger, après les États-Unis bien sûr, c'est la Barbade. Le petit îlot de la Barbade dans les Caraïbes. Exactement. Donc on a continuellement des gens qui se présentent comme étant doctes, sérieux, rigoureux, responsables, normaux, pragmatiques. Et en même temps, ces mêmes gens traitent de données qui ne parlent de rien et ne parlent à personne et sont simplement de l'ordre de cérémonies qui envoûtent, qui distraient, qui fascinent et qui endorent bien souvent. Il y a des experts qui nous garantissent ou qui nous indiquent que ça pense quelque part. Il y a une banque centrale qui pense, il y a des ministères de l'économie et des finances qui pensent, une presse financière qui pense. Ça pense, on ne comprend rien à ce qui est pensé, mais on nous garantit qu'il y a un logos à l'œuvre qui est en train de donner une sorte de cohérence cosmique à tout ça, qui ne doit surtout pas être entravé par quelques décisions populaires, que ce soit ni des passions de la foule, hein, surtout pas. Non. Donc les États doivent nous garder de ce genre d'influence. Et il y aura un moment où on aura trop faim, on aura trop mal, on souffrira trop et où on considérera que le délire est trop spectaculaire et patent pour qu'on croie encore que ça pense. Et lorsqu'on rira, hein, qu'Alain Minc parlera comme ça du marché qui doit surtout pas être entravé de quelque manière, lorsqu'on rira, mais de manière générale, nous aurons avancé, parce que nous aurons avancé dans le sens de ce désenvoûtement, quoi. À juste titre, c'est une métaphore qui a tout son pesant. Voilà, donc Alain Deneau, il est, c'est un philosophe québécois qui a édité pas mal de livres donc dans, avec la maison d'édition, donc c'est Éco-Société, je crois. Et il était de passage lors de la Nuit Blanche, et donc c'est, il a prêté sa voix, en tout cas son analyse, au micro de Givang Til. Voilà, c'est l'occasion pour nous peut-être de clôturer et puis de vous présenter en fait la dernière activité en fait de notre de ce moment d'exposition qu'on a organisé à l'ERGUE avec la soirée cartomancie qui ont là en fait on a développé en effet au début de l'année 2018 trois jeux donc jeux de cartes mais qui sont pas des cartes à jouer mais plutôt qui nous servent de support pour créer en fait de l'art divinatoire et surtout susciter des discussions collectives autour des enjeux de la finance. Donc le premier jeu a une entrée via les marchés financiers. Le deuxième, en fait, est lié justement aux paradis fiscaux. Et donc voilà, le troisième est plus lié à des pratiques sorcières. Il s'appelle « Des fictions qui changent le monde ». Donc c'est plutôt sur l'art comme pouvoir de transformation de la société. Mais donc à l'occasion du finissage, on a décidé de présenter le deuxième jeu « Quitter les paradis fiscaux ». Et juste une petite question technique. Donc, tous ces événements en soirée, c'est à partir de quelle heure Alors, il y a des heures. Je crois que tout commence entre 18h30 et 19h. Le vernissage, c'est à partir de 18h, mais le concert, dans le cadre du vernissage, sera à 20h30. La soirée cartomancie, c'est à partir de 19h. Et c'est ça, je ne suis pas sûr qu'on ait dit la date, c'est le jeudi 28 février. Et pour les données pratiques, évidemment, donc en fait, l'exposition est ouverte en journée. Et donc, on va assurer, nous, évidemment, des permanences. Donc, c'est en semaine du lundi au vendredi. Et donc, toutes les informations, vous les trouverez en ligne sur notre site, donc www.desorcelerlafinance.org. Donc, pour toutes les informations plus pratiques, desorcelerlafinance.org. Et du coup, je ne sais pas si il faut... En tout cas, ça a l'air tout à fait passionnant. Ça donne vraiment envie d'aller se plonger dans cet univers. J'ai pas eu beaucoup de questions à poser puisque vous êtes dans un flot de paroles absolument envoûtant. Mais voilà, en tout cas, toutes les infos techniques sont là. Ça donne envie et je crois qu'on va écouter un dernier morceau... Oui, Gamel. On va écouter un morceau de Gamel pour se dire au revoir. Et donc... Thank you. Thank you.